Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Vous faites bien de suivre Méditons ensemble, votre émission de dévotion matinale sur les ondes. Nous sommes le mardi 17 mars 2020 et nous lisons selon les instructions du lecteur de la Bible 2020. Jean chapitre 15, les versets 1 à 8. Notre invité d'hier est toujours des nôtres. Il s'agit du président Nori Achijan, membre d'honneur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bonjour président. Oui. Bonjour frère Adombi et bonjour chers auditeurs. L'émission est mise en onde par Emmanuel Yao. Je suis Adombi à l'Espacom pour vous servir. Nous allons faire la lecture de ce texte tout à l'heure et puis ensuite dans les commentaires, il s'agira de suivre chronologiquement les trois étapes de la méditation que nous faisons, c'est-à-dire l'observation, l'interprétation et l'application. Nous allons, avant la lecture, prier avec le président Nori Achijan. Merci pour le souffle que tu nous donnes encore ce matin. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Conduis-nous par ta parole. Permets que, à travers ce texte que nous allons lire, nous puissions tirer des leçons qui nous aident à embellir notre existence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à vous, chers amis auditeurs, pour la méditation matinale. Le texte du jour, c'est Jean chapitre 15, les versets 1 à 8. La lecture est faite dans la Bible version second 21, verset 1. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pu à cause de la parole que je vous ai annoncé, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Verset 5. « Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Versets 7 et 8 pour mettre fin à la lecture. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Amen. Amen. Bienvenue à vous, chers amis auditeurs. Merci de suivre Méditons sans votre émission de dévotion matinale. Notre invité de ce matin est le président Nori Achijan, avec qui nous avions hier lu Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Bonjour président. Bonjour frère Adombi. Alors on va revenir sur ce texte important, ce texte fondamental de la foi chrétienne, qui nous a parlé de la paix, du Saint-Esprit, du Consolateur qui devait venir, que Jésus a promis à ses disciples. Oui, alors hier nous avons indiqué dans le contexte que les derniers instants de la mission de Jésus approche, il va affronter ce qu'il a appelé la coupe amère et il doit préparer ses disciples à contenir cette période difficile de séparation. Mais avant de partir, le Seigneur Jésus a promis le Consolateur. Il a rassuré ses disciples que leur cœur ne se trouble point. Quelqu'un viendra pour les défendre, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui va venir. Il leur a aussi promis de leur laisser la paix, la vraie paix. Et il donne sa paix pas comme le monde donne. Et Tous ces éléments mis ensemble devaient rassurer les disciples pour qu'ils ne soient pas troublés. Et donc, c'est de ça que nous avons parlé hier, et en indiquant que nous devions prendre prétexte de ça pour désarmer nos cœurs, pour libérer ce que nous avons emprisonné dans nos cœurs à la suite des disputes. Ils nous ont offensés et nous ne leur parlons plus. Si nous voulons saisir la paix que donne Jésus-Christ, nous devons commencer par ouvrir le cardenas et libérer tout ce que nous avons emprisonné. Et refaire la paix, nous réconcilier, la vraie réconciliation. Et cela va nous permettre de vivre tous ensemble, en nous donnant les mains pour chanter la paix du Seigneur. Voilà, en quelque sorte, ce que nous avons dit hier. D'accord, merci Président pour ce rappel. Alors le texte d'aujourd'hui est le chapitre 15 de Jean. Nous avions lu, nous lisons les versets 1 à 8. Nous sommes dans l'observation. De quoi nous parlent ces versets? Oui, alors dans l'observation, de quoi nous parlent ces versets? Le texte de base, qui est le Jean 15, 1 à 8, ce texte parle des bases d'une vie authentique, d'une vie chrétienne authentique. Et c'est de ça. Si nous voulons une vie chrétienne authentique, nous devons nous référer à ce texte qui indique que Jésus-Christ dit qu'il est le vrai cep. Le vrai cep est que nous sommes les sarments. Son père est le vigneron. Donc, cette trilogie, si nous essayons chacun de rester à notre place pour obéir à ce qui est dit, il doit avoir une harmonie. Donc, c'est de ça qui nous est parlé. D'accord. Nous allons observer ce texte dans le détail avec le commentaire des trois propositions faites par notre invité, le président Doria Chujan. Ensuite, il sera question de l'interprétation. Et puis, nous allons intervenir vers la fin de l'émission avec l'application. Alors, président, vous nous proposez trois mouvements, les versets 1 à 3, les versets 4 à 6 et les versets 7 à 8. Alors, la première partie, les versets 1 à 3, a été intitulée « Les deux types de chrétiens ». Oui, oui. Alors, les deux types de chrétiens, le verset 1 à 3, dit « Tout sarment qui est en moi » et qui ne porte pas de fruits. Ça, c'est le premier type de chrétien. Oui. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Les deux types de chrétiens, c'est ça. Mmh. Si je prends le sarment, c'est les chrétiens, c'est nous. Alors, si je ne porte pas du fruit, je serai émondé. Porter du fruit, c'est obéir à la parole. C'est appliquer la parole pour qu'il y ait un effet positif dans notre vie. Maintenant, celui qui va à l'église et qui n'obéit pas à la parole ne portera pas de fruits, n'a pas permis d'atteindre les objectifs. Donc, le vigneron le retranche. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voilà comment le débat s'ouvre pour cette première portion. Qui suis-je? Le sarment qui porte du fruit ou le sarment qui ne porte pas du fruit? En tout cas, ici, une distinction est faite entre les deux types de chrétiens. D'accord. Deuxième mouvement, les versets 4 à 6. Le titre, demeurez en Christ. Alors, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, c'est un ordre auquel obéir. Et c'est dit expressément. Comment voulez-vous que Dieu demeure en nous si nous ne demeurons pas en lui? Et c'est en cela que le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Demeurer. Demeurer, c'est de rester. Tu restes habité. Donc, je ne reste pas ou je n'aime pas. Donc, demeurer, c'est être d'accord avec le lieu offert, comme couchette. C'est là que je reste. Je me sens bien ici. Et alors, donc, voyez-vous que demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Vous ne pouvez pas rester suspendu dans l'air et porter du fruit. Il faut être attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est très clair que cette portion nous demande que si nous voulons faire quelque chose, nous avons besoin d'être attachés au cèpe, demeurer. Et c'est pour cela que nous avons dit demeurer en Christ. D'accord. C'est la condition pour produire beaucoup de fruits. Justement, le dernier mouvement porte le titre de « Porter du fruit » sont les versets 7 à 8. Oui, alors les versets 7 à 8. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » La condition qui fait qu'on peut dire « Voilà les disciples de Jésus-Christ », c'est sur base des fruits. Mmh. Est-ce que vous portez du fruit? Alors, vous êtes disciples de Jésus-Christ. Sinon, les sarments qui ne portent pas du fruit sont des faux chrétiens qui doivent être enlevés. Mmh. On enlève cela parce qu'ils sont improductifs. Et être productif à souhait consiste à demeurer en lui. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mmh. Il s'agit de demeurer en moi. Moi, le cèpe, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voyez-vous qu'on nous donne ici les clés du succès de la vie chrétienne. Mmh. Les clés du succès de la vie chrétienne consistent à demeurer en Jésus-Christ. Et les gourous qui vous maltraitent, qui vous malmènent. Aujourd'hui, des gens se sont fait une foule de docteurs, de prophètes, de tout genre. Au lieu de demeurer en Jésus-Christ, ils demeurent chez des humains. Et à la fin, ils sont tous hideux, misérables. Ils ne retournent pas à la Bible, mais c'est un gourou qui leur indique ce qu'ils doivent faire, ce que Dieu a dit. « Pasteur, tu n'as rien pour moi aujourd'hui ?» Non, mais c'est dans la Bible qu'il faut puiser la sève, demeurer en Jésus-Christ. C'est ce qui nous est recommandé. Et non chercher à demeurer chez un marabout, à demeurer... Donc, partout où vous irez habiter, qui n'est pas la maison où habite le Christ, vous êtes en danger. La question fondamentale, voulez-vous porter du fruit? Si vous dites oui, alors la condition sine qua non consiste à demeurer en lui, à demeurer en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. D'accord. Voilà un peu les mouvements. D'accord. Jean chapitre 15, versets 1 à 8, c'est le texte que nous abordons pour ce mardi 17 mars 2020. Nous sommes en compagnie du président Ndori Hachi Jean, avec qui nous allons aborder l'étape 2, l'interprétation. Est-ce qu'il y a un ordre auquel obéit, clairement donné dans le texte? Alors, mais bien sûr qu'il y a un ordre auquel obéit. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Prenons le verset 4. « Demeurez en moi. » Et je demeurerai en vous. Ça, c'est un ordre, le verset 4. Et ça, c'est dit de façon impérative. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi, vous ne pouvez non plus, ni vous, si vous ne demeurez pas en moi. Donc, l'ordre suprême qui nous est donné et qui doit nous amener à nous propulser, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est demeurer en Jésus-Christ. Déjà, dans les années avant Jésus-Christ, Dieu nous indiquait les conditions de notre sécurité. Mm-hmm. Parce que demeurer en Jésus-Christ, c'est tailler une part de sécurité inégalable. Si quelqu'un veut vous atteindre, il doit toucher Jésus. Vous demeurez en moi. Et ainsi, vous portez du fruit. Voilà un ordre auquel nous devons obéir. Si on n'oublie qu'à cet ordre-là, c'est fini. D'accord. Alors, Jésus donne aussi des promesses pour nous encourager à demeurer en lui. Oui, il y a des promesses. Le verset 8, quand je prends le verset 8, par exemple, et 7. Si vous demeurez, le verset 7 d'abord, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si c'est systématique. Mmh. Et le fait que nous demeurons en Jésus-Christ, nous lui demandons quelque chose, il le fait tout de suite. Oui. Donc, c'est une promesse. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ça. Demeurer en Jésus-Christ a pour promesse de faire de nous des disciples. Mmh. On dit, voilà les disciples de Jésus qui s'en vont là-bas. Et vous êtes fiers d'être parmi. Vous êtes fiers d'être un des disciples. Donc, il y a des promesses qui nous sont faites, mais la condition pour que ça se réalise, il s'agit de demeurer, rester avec lui. Et demeurer en Jésus-Christ consiste à retourner à la Bible et à commencer à mettre en pratique la Bible, tout ce qui nous est indiqué, comment nous devrions faire. Alors, tout le terreau pour que la plante pousse bien se trouve dans la Bible. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et donc, il s'agit de l'ouvrir et croire en la parole. Et dès l'instant où vous croyez, si vous croyez à la parole, vous devenez tout de suite enfant de Dieu. Vous avez donc l'identité de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Et vous devenez fils. Et si vous êtes fils, vous devenez co-héritier avec Christ. Le Fils, Dieu le Fils. Et vous bénéficiez de toutes les grâces au même titre que lui. Il est en Dieu et Dieu est en lui. Ça devient comme ça pour vous aussi. D'accord. Nous allons fermer la partie interprétation avec les vérités. Est-ce qu'on peut partager quelques vérités concernant ce texte avec les auditeurs? Alors, comme vérité, je relève le verset premier. Le verset premier est une vérité fondamentale. Il est dit clairement, je suis le vrai cep, le verset premier. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Et c'est le dernier je suis de la ligne de je suis déclaré dans l'évangile de Jean. Jésus-Christ a dû dire, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, de façon successive, si vous allez dans les textes, vous allez voir un certain nombre. Le septième « je suis », c'est « je suis le vrai cep ». Le mot traduit par « vrai »,« vrai ». Ici, « vrai » est important. Fait essentiellement référence à l'idée de fiabilité. Ce qui est fiable, le vrai cep. Ça veut dire le cep fiable. Jésus est le vrai cep sur lequel on pourrait compter. Jésus est le moyen désigné par Dieu pour s'approcher de lui. Donc, si nous voulons nous approcher de Dieu, c'est par Jésus-Christ, le vrai cep. Il est fiable. La voie fiable pour atteindre Dieu. Si Jésus est le cep, le vrai cep, alors son père est le vigneron et les disciples sont des sarments. Donc, c'est dans cette logique-là que nous allons, c'est une vérité fondamentale. Jésus est le vrai cep, le cep fiable, parce qu'il y a d'autres cep qui ne sont pas fiables. Lui, il est le vrai. Dès l'instant où on dit le vrai, c'est qu'il y a le faux. Oui. Nous devons donc faire attention à la façon dont nous voyons les choses se passer. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le verset 2, par exemple, est aussi une vérité. Il est dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ce n'est pas faux. Parce qu'en fait, au plan agronomique, il ne faut pas laisser des branches sèches sur l'arbre. Ça peut contaminer tout l'arbre et tout va sécher. Il faut enlever les branches sèches pour qu'il n'ait rien à voir avec la plante. Et donc, tout arbre qui ne porte pas de fruits, qui est sec, et tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde. Ce sont des vérités. Il est avantageux que l'agriculteur mette tout le compost, tout le système d'enrichissement du sol là où c'est profitable. Pourquoi enrichir un sol pour une plante qui ne produit pas de bons fruits? toute la question est là. Le verset 6 également, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Ce n'est pas de l'amusement, chers amis. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, « Non, mais quand même, le bon Dieu ne va pas faire ça. » Mais si, c'est parce qu'il est le bon Dieu qu'il doit faire ça, parce que son règne est un règne d'équité et de justice. S'il ne le fait pas, il n'est plus Dieu. Donc, si vous allez vous amuser pour... si quelqu'un ne demeure pas en moi, mais alors, il est jeté dehors, sans sentiment. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiment. Et on dit, oui, c'est le cousin d'un tel. Non, est-ce qu'on ne peut pas le racheter? Non, il paraît que c'est le fils du ministre. Ou bien c'est le neveu du président. Non, ça ne va pas se passer ainsi. Il est dit clairement, si quelqu'un, qui qu'il soit, ne demeure pas en moi, il le jette dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Oh, mais les conséquences sont incalculables. Brûler, on ne jette pas seulement, mais après on ramasse et on met le feu. C'est ce qui va se passer au prochain retour de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous avons intérêt à nous préparer pour affronter ces moments, puisque ces choses nous sont d'avance expliquées avant l'examen. Pourquoi ne pas prendre en considération ce que nous sommes en train d'expliquer? Nous-mêmes qui vous expliquons, nous sommes dedans, nous sommes concernés. Moi, Ndori, je suis concerné. Et je dois entrer en moi-même pour dire, il faut que je sois un vrai sarment, un sarment qui porte du fruit. Parce que tout sarment qui ne porte pas du fruit, sa condition est catastrophique. Voilà les quelques vérités qu'on peut dire. Il y a d'autres, mais je pense que... On peut s'arrêter là. D'accord. Merci, Président, pour ces vérités. Nous allons conclure cette émission, chers amis auditeurs. Nous vous rappelons simplement le texte que nous lisons. Il s'agit des 8 premiers versets de Jean, chapitre 15. L'application, donc, intervient à ce stade de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce texte? Alors, ce que nous retenons de ce texte, c'est que y a une logique dans la constitution des faits. Jésus-Christ le déclare, je suis le sept, le vrai sept. Je vous dis que le mot vrai a tout son sens ici. Le mot vrai ici a pour signification la fiabilité. Le vrai, vrai, ici c'est fiable. C'est dans ce sens étymologique. Et son père est le vigneron. Donc, Jésus ne prend pas la place de son père. Jésus dit qu'il est le sept. Jésus ne dit pas que je suis le vigneron. Je suis le vrai sept. Mon père est le vigneron. Et vous, les disciples, vous êtes des sarments. Voilà comment est-ce que la constitution des faits, de la logique, dans une trilogie, nous avons en présence Jésus, le vrai sept, Dieu, le vigneron, Dieu le Père, le vigneron, et nous, les chrétiens, nous sommes des sarments. Alors, il faut qu'il y ait une ambiance de vie où les sarments demeurent attachés au vrai sept s'ils veulent porter du fruit. Donc, c'est toute une invite à tous ceux qui ont dit oui, je suis un sarment, de s'attacher. De demeurer. Demeurer ici, oui, c'est aussi s'attacher. Rester. Coller au sève. Alors, la sève passe et vous en tirez profit et il y a des fruits en tant que branche. Merci, Président. Merci, Président, pour cette belle conclusion. Amis auditeurs, nous avions lu avec le Président Ndori Ahachi Jean, membre d'honneur de la Ligue, pour la lecture de la Bible, Jean chapitre 15. Les versets 1 à 8, nous vous convions à la page 38 dans le lecteur de la Bible pour lire la note explicative intitulée « Quelques bases d'une vie chrétienne authentique ». C'est à la page 38. Cette émission a été mise en onde par Emmanuel Yao. Je suis à Dombi, à l'Espacom. Merci de nous retrouver demain pour lire un autre texte. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.